Le premier ministre coréen Park Bong-joo s'est tanké sur place de l'état de production de la mine des jeunes héros de Daewoo, de la mine de Ryongyang et du complexe minier de Gomdo. Il a encouragé les cadres et les ouvriers qui accomplissent de grands succès dans la production et souligné de devenir vainqueurs glorieux dans la campagne de 200 jours pour ouvrir une brèche de la réalisation de la stratégie du quinquennal pour le développement de l'économie nationale. Par ailleurs, il a inspecté le complexe thermoélectrique de Pyongyang et la mine de Sangnong.